ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Hockey Ciné. Ah, comme à chaque fois, on a déniché une petite pépite cinématographique, enfin une pépite du moins en tout cas. Nous, c'est un film qu'on a fortement apprécié avec Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Kevin. Et donc, nous allons parler du film Nous, les Leroy. Alors sur le papier, comédie vendue voilà, comme étant familiale, grand public, mais elle est plus intelligente qu'elle n'y paraît. Alors pour la petite histoire, c'est Sandrine Leroy qui annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l'âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance, aussi audacieuse qu'invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage. Un voyage passant par les endroits clés de leur histoire de leur famille. Un voyage qui ne va pas être de tout repos. Alors, à chaud là, comme ça, qu'en as-tu pensé ? Alors bah du coup, effectivement, hein, ça a été vendu comme une comédie et j'ai été extrêmement surprise. Alors mon Charles Gainsbourg n'est pas vraiment connu pour jouer dans des comédies, hein, clairement. Mais José Garcia, oui, donc du coup, qui sont donc les deux acteurs principaux du film, hein, qui jouent les parents. J'avoue avoir été surprise de... Je m'attendais à beaucoup plus de comédie, en fait. Vraiment, quand on voit l'affiche, quand on voit comment c'est vendu, etc., on s'attend tous à une comédie française. Comme il en sort plein chaque année. C'est ça. Il y en a trois par semaine. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Enfin, ici, José Garcia apporte sa touche de comédie, hein, voilà. Mais sinon, le reste est beaucoup plus profond, avec une vraie leçon de vie. Un petit peu trop prévisible à mon goût. J'ai beaucoup de choses. Enfin, pratiquement tout le principe du film est assez prévisible. Hein. C'est un sujet qu'on a l'occasion pas mal de voir. Mais quand même assez intéressant de la façon dont c'est traité. Et le message passe plutôt bien. L'émotion, pas trop, je trouve. Je sais pas ce que t'en as pensé. Mais moi, je trouve que l'émotion ne passe pas parce que c'est trop prévisible. Et donc, du coup, t'arrives pas à dire, ah oui, effectivement, c'est triste, ou là, c'est dur, il va falloir que, en fait, t'es là, t'es... Bah oui, mais bon, en même temps, on s'y attendait, quoi. Bah, c'est vrai que oui, je te rejoins, en effet. Faut quand même noter que c'est un premier long métrage pour le réalisateur Florent Bernard qui est scénariste, hein, de base. Bon, il a quand même été scénariste sur La Flamme, dernièrement Vermine, qui est sorti au cinéma. Donc... Si on juge que c'est un premier film, en effet, on peut lui pardonner, je pense, cette prévisibilité, le fait que l'émotion, soit courue d'avance. Moi, je me suis laissé emporter, hein, dans cette histoire familiale, parce que finalement, on s'identifie à ces personnages. Cette famille, ça pourrait être la nôtre, ou du moins, ça pourrait être des gens de notre entourage. Voilà, hein, c'est tout bête, hein. Lui, il bosse énormément. Elle a s'ennuie dans son travail et puis à un moment donné les deux se perdent de vue et puis forcément ça finit par casser. Après va s'en suivre en effet une sorte de road movie finalement, et c'est là où justement je pense que le film démarre réellement. C'est que durant ce road movie, même si en effet on peut s'attendre parfois à quelques passages, j'ai trouvé malgré tout que il y a de bons petits rebondissements, il y a des scènes où tu t'y attends pas forcément. Tu parlais de l'émotion tout à l'heure, alors même si en effet tu passes du rire aux larmes et peut-être que d'un point de vue émotionnel on n'est pas forcément toujours touché, ça reste quand même vrai, c'est pas surjoué, enfin moi en tout cas j'ai pas trop trouvé, même si bon, José Garcia il est habitué à la comédie, il aime bien ça, en faire beaucoup, on mais le ça connaît va. Pour ça, voilà. Et voilà, donc on ça, est habitué. Ça passe très bien en et effet. Puis avec le revers de Charles Gainsbourg qui est vraiment connu pour des drames et une personne assez dramatique avec une voix qui est très calme et j'ai envie de dire un petit peu dépressive constamment. Mais du coup, ça contrebalance très bien. José Garcia fait du José Garcia, mais sans trop en rajouter, à des bons moments. Oui. Voilà, oui, oui. Il donne la petite touche, tu te dis, ah oui, c'est quand même un peu une comédie. Oui, ça oui c'est très drôle. Que... Enfin, voilà. Moi, en tout cas, j'ai ri aux éclats dans certaines scènes. Ouais, ah, oui. C'est l'humour est très cocasse et... Je pense qu'il faut énormément apprécier le second degré. Oui. Je pense que si tu ne comprends pas le second degré, ça ne sert à rien. C'est vrai. Parce que c'est la plupart des blagues, c'est ça. Et faut vraiment apprécier le second degré. Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de répétition finalement dans ce film. Hein, parce que quand on regarde le film, finalement, ils vont sur leur lieu de vie, leurs rencontres, etc. Donc ça se répète. Mais à chaque fois, il se passe toujours un petit truc. Et notamment par rapport aux enfants, puisque au-delà d'être un film sur une séparation, un potentiel divorce, le couple a deux enfants, deux ados, dont un qui va partir pour des études supérieures. Oui. Et mine de rien, bah voilà, ça crée aussi une cassure. Et c'est ça, moi, que j'ai trouvé aussi intéressant dans le film, c'est que voilà, au-delà de ce couple, c'est que les enfants, certes entre guillemets, ce sont des personnages secondaires, mais parfois ils sont quand même devant de la scène, et que ce soit la fille avec ses problèmes psychologiques plus et le fils avec ses problèmes amoureux, bah ça fait peut-être écho aussi à leur repère familial, ah oui, hein, oui, clairement. Avec bah, leur père et leur mère aussi, et pour le coup moi c'est ça que j'ai apprécié, je sais pas toi, mais en tout cas ces enfants là ils sont pas mis de côté. Effectivement, en fait on a cette situation dans le film qui commence avec les parents où tu sens que de toute façon ça va pas évoluer, leur relation ne va pas évoluer, leurs personnages ne vont pas évoluer en fait. On sait très bien que voilà, dès le début c'est évident que ça ne marchera pas. Bon, déjà l'idée est un peu bon, voilà, mais en fait on a le revers de bah voilà, les parents qui sont les personnages principaux, et en fait on se rend compte au fur et à mesure du film que c'est les enfants qui sont les personnages principaux, et c'est ces personnages là un peu secondaires, mais qui finalement c'est eux qui évoluent et pas tant que ça les parents, et les parents montrent la voie à leurs enfants. Ce qui est une très belle leçon de vie, et ce qui, voilà, ce qui est normal et ce qui devrait l'être. C'est d'ailleurs pour ça que le film a été qualifié, entre guillemets, de film générationnel, parce que finalement, tout le monde s'y retrouve dans ce Bien film. Sûr, ouais. Que, voilà, qu'on soit adulte, adolescent, même enfant, je pense que c'est un film qu'on peut aller voir facilement en famille. Bon, voilà, il y a peut-être en effet deux, trois scènes où, comme tu disais, l'humour c'est un peu poussé, mais, c'est ça, mais ça va, se dire, ça marche. Voilà, franchement, non, enfin, vous pouvez emmener voilà, des enfants entre guillemets de tout âge, enfin bon, de toute façon, voilà, peut-être voilà, bah, minimum 10 ans, quoi. C'est enfin, ça, bah, voilà. Faut quand même comprendre ça, le second degré sur certaines choses. Oui, quoi. C'est vrai, mais bon. Il y a un peu d'humour non, pas mais noir. Je dirais 10 ans et plus, moi. Voilà, oui, voilà. Je pense que c'est l'âge requis. Finalement, voilà, le film a une mise en scène assez classique, mais ça fonctionne. Et bah, y a une belle bande-son aussi. Hein. Enfin, les musiques, je trouve, collent bien avec les situations. Oui, oui. On s'embarque très facilement. Et comme tu le disais, Charlotte Gainsbourg, c'est vrai qu'elle fait pas, enfin, c'est pas qu'elle fait pas souvent des comédies, mais c'est vrai que voilà, c'est pas le genre de film où elle excelle. Et le fait de la mettre avec José Garcia, bah finalement, je pense qu'ils s'apportent l'un et l'autre. Oui. Parce que José Garcia, c'est un très bon comique, mais il peut être très bon aussi dans le drame. Oui. Non, il l'a prouvé hein, sur des précédents films aussi. Donc non, franchement, c'est un bon moment, sympathique, et pour une première réalisation, hein, comme je le disais, bah voilà, c'est prometteur, parce que tu dis déjà que là, c'est un film qui rassemble, là, il est sorti depuis quelques semaines, il a déjà bien marché, hein, il marche bien au cinéma, donc je pense que le film va avoir un bon bouche à oreille. Je suis totalement d'accord. Ouais, non, c'est vrai. C'est un film français qui change un peu. Moi, ça m'a surpris d'ailleurs qu'il ait été vendu comme comédie. Parce que, bon, c'est peut-être une bonne stratégie en France, mais pour des cinéphiles, ça l'est peut-être moins. Et au final, c'est un bon film de... Alors, peut-être pas de grands cinéphiles, mais c'est un film qui est intéressant. Et j'avoue, moi, j'y suis allée avec mon père pour aller le voir. Et en fait, on est ressorti, on a dit, bah, pour une comédie, en fait, c'est dommage que ça n'ait pas été aussi drôle, plus drôle en tout cas. Mais bon, effectivement, après, avec réflexion à froid, tu te dis, c'est quand même un beau message et c'est un beau film. Oui, c'est vrai que c'est un beau film, en effet, bah, voilà, sur la famille, les désarrois qu'il peut y avoir, les cassures, etc. Et bon, comme tu le dis, je pense qu'en France, on aime bien vendre ce genre de film à un large public. Donc, oui, forcément, ça. Rien de mieux que la comédie hein, à mettre en avant. Et finalement, le film est beaucoup plus profond et intelligent qu'il n'y paraît. Mais c'est bien parce que je pense que bah, les gens qui ont été le voir vont en parler autour d'eux en disant vous allez rire mais vous allez en même temps être agréablement surpris, donc c'est très bien, le film voilà, va tracer sa route et puis bah, voilà, hein, je l'espère va permettre, bah, pourquoi pas José Garcia de revenir un peu plus sur le devant de la scène, parce que c'est vrai qu'on l'avait pas trop vu ces derniers temps, enfin il avait joué dans un drame avec André Dussolier là il y a pas si longtemps, mais sinon on le voyait plus tant que ça. Charlotte Gainsbourg, elle par contre on la voit pas mal, enfin elle joue toujours autant. Et puis bah voilà la découverte aussi de ces deux jeunes acteurs, moi que je ne connaissais pas, et qui jouent très bien le rôle. Et aussi, il faut le souligner, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, il y a aussi d'autres acteurs qu'on connaît un petit peu et qui sont dans certaines scènes. Et c'est plutôt drôle, t'as Jérôme Niel, si je dis pas de bêtises. Baptiste Le Caplain aussi. Oui, Baptiste Le Caplain, et t'as aussi Sébastien Chassagne également. Enfin voilà, c'est des petits acteurs comiques, des voilà, acteurs, humoristes. Ouais, c'est ça, français. Qui sont plutôt bienvenus parce qu'en plus, à chaque fois dans leur scène, c'est assez, assez barré, quoi. C'est loufoque. Donc, nous ne pouvons que vous encourager à aller voir le film « Nous, les Leroys », surtout qu'il est encore à l'affiche, je pense, pour un certain moment. Comme dans chaque épisode, voilà, Aurore aime bien revenir sur un film et parler d'un fait étonnant, surprenant. On a tous vu des films, mais parfois, on ne sait pas toujours ce qui se passe dans l'envers du décor. Alors là, tu vas nous parler de quoi ? Je vais vous parler de Premier Contact de Denis Villeneuve, qui est personnellement un de mes films de science-fiction préférés, notamment qui se passe dans l'espace. J'ai eu beaucoup de mal sur les films qui parlent d'extraterrestres. Et celui-là, il m'avait particulièrement marqué. Il est absolument magnifique et très très bien fait, très intéressant. Sais-tu ce que c'est un palindrome, Kevin ? C'est un mot qu'on peut lire à la fois de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche, dans les deux Exactement, sens. Exactement, c'est ça. C'est comme kayak, par exemple. Et donc, si vous vous souvenez du film, la fille de l'actrice, de la gamine, en fait, s'appelle Anna. Oui. H-A-2-N-A-H. Qui est un palindrome. Et en fait, ça fait écho notamment à la musique de début et de fin, qui est en fait la même, parce que c'est une sorte de palindrome. En fait, qu'on joue la musique dans un sens qui est joué au début et qu'on joue dans l'autre sens qui est joué à la fin, eh ben, ce sera la même musique. C'est une sorte de palindrome. Voilà. Un palindrome musical. Alors ça, je n'avais jamais entendu parler. Et ben voilà. Ah bah, je me remettrai sur le film au début et à la fin pour écouter et voir ce que ça donne. Ah bah oui, en effet, c'est étonnant ça. Mais en effet, je te l'accorde, c'est un très bon film. En parlant de film justement, dans les semaines qui viennent, il va y avoir beaucoup de sorties. Donc bon, il a fallu faire un choix, hein, c'est pas toujours évident, sur nos attentes, hein, les films qu'on nous attendons le plus. Alors toi Aurore, quel film te donne envie, te hype là dans les prochaines semaines ? Alors, moi, c'est un film qui va sortir le 17 mai aux États-Unis. Et il sort avant en France, ouais. Il sort le 8 mai. C'est ça, le 8 mai en France. Alors, en français, ce sera Blue et Compagnie, et en anglais, c'est Eve pour Imaginary Friends. C'est de John Krasinski, voilà, qui est connu notamment pour The Office et plus récemment... Sans un bruit. Sans un bruit, ouais. Effectivement, en tant que réalisateur, de plus en plus, il est connu principalement pour Jim Halpert dans la série The Office US. Ouais. Et en fait, c'est un film avec... Alors, le casting est incroyable. Ryan Reynolds, Emily Blunt, Steve Carell, voilà, c'est un peu la réunion. Voilà. Et donc, moi, c'est un film qui m'intéresse très bien. Voilà, ça change beaucoup de Sans un bruit, hein, qu'il a fait. Là, c'est beaucoup plus enfantin avec... Donc une gamine et son père notamment lui montre que les amis imaginaires existent bien et que il faut les sauver, donc il faut que les enfants croient en ces amis là pour pas qu'ils disparaissent, un petit peu comme Coco, j'ai envie de dire, tu sais, où les ancêtres doivent être souvenus pour pas disparaître. J'ai l'impression que ça va être un petit peu la même histoire. Quand tu me parles de ça, je sais pas pourquoi je vois Monstres et Compagnie, moi, faut pas chercher. Oui, aussi, c'est pareil. Oui, je sais pas, voilà. Ça ressemble beaucoup. Pareil, le fait de pas être oublié avec la petite fille, violet, là. Voilà, ouais, c'est ça, pas le gros monstre aussi violet. Mais là, c'est pareil, ouais, j'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est pareil, je pense soit ça va être un film ultra familial et bon, ça va être sympa à voir, ou en effet, et tu l'as un peu souligné, il va peut-être être plus profond qu'il n'y paraît, ce film. J'espère. On peut peut-être être agréablement surpris. J'espère, ouais. Et bah, le même jour, et pas des moindres, il y a quand même une grosse autre sortie cinématographique avec La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume. Ça amorce supposément une nouvelle trilogie, parce que voilà, il y a quelques années, La Planète des Singes avait été relancée avec Le Commencement, L'Affrontement et Suprématie. Je sais pas si c'est une trilogie que tu as vue. Aurore, pas du tout, pas du tout. Des singes, non. Non. Bah, en tout cas, je te la conseille fortement parce que ça soit le 1, 2 ou 3, vraiment, c'est une trilogie parfaite. Elle va là où on ne l'attend pas. Alors là, du coup, est-ce que le studio a surfé sur ce succès pour relancer encore quelque chose? J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il ressorte un nouveau Planète des Singes. Et c'est à double tranchant là encore. C'est soit ça va marcher, soit ça va pas marcher. C'est généralement le problème. Surtout que là, bah, ça se passe plusieurs générations après le règne de César, du coup, qu'on voyait hein, dans la première trilogie. Donc là, les singes, ils ont définitivement pris le pouvoir. Et les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et ils vivent en retrait. Forcément, il y a un nouveau chef tyrannique qui va construire peu à peu un empire. Hein, et un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Donc, sur le papier, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Il n'y a pas de grosse tête d'affiche dans ce Planète des Singes-là. Ils misent plus sur les singes, hein, finalement. Hein, où, bien évidemment, ce sont des acteurs, parce qu'on est sur de la capture de mouvement, comme les précédents films. J'avoue que la bande-annonce donne extrêmement envie. Le film a l'air magnifique, en même temps, avec les technologies d'aujourd'hui. C'est pas surprenant. À voir. Là encore, c'est pareil. C'est soit on va être sur du pur blockbuster américain, soit il va y avoir une certaine profondeur et on va se dire ah oui, on a encore de quoi raconter avec la Planète des Singes. À voir. Mais en tout cas, voilà, un beau duel ce 8 mai entre Blue et compagnie et la Planète des Singes, le nouveau royaume. Voilà, l'épisode se termine. N'oubliez pas d'aller voir le film Nous les le roi. Voilà, c'est un film qu'on a fortement apprécié avec Aurore. Dans les prochaines semaines aussi, n'oubliez pas, voilà, il y a de nombreux films qui sortent. Et puis bon, on se retrouve prochainement pour parler encore de cinéma, bien sûr. Bien sûr. Salut Aurore. Salut Kevin.